voit qu'on commence vraiment n'importe Nawak. On passe de la saison 2 à la saison 4 direct. Ça peut justifier, mais bon, bref. Passons. Quoique, est-ce qu'on pourrait passer de l'émission 2 de la saison 4 à l'émission 5 direct de la saison 4, c'est-à-dire celle de vendredi? Allez, bonne émission. J'ai raté quelques minutes de l'émission parce que j'avais mon livreur de surgelés qui est venu à 11h40, mais il ne me semble pas avoir entendu parler de Sweeney Todd, qui est quand même l'un des plus gothiques et l'un des plus drôles films de Tim Burton. Et en plus, j'ai pas entendu le mot gothique, alors que il me semble que ça s'affecte beaucoup au cinéma de Tim Burton. J'avais croisé Tim Burton au 50e anniversaire du Festival de Cannes. Tout à coup, ils sont passés devant moi des flopés de grands noms du cinéma, quoi, dont Burton. Et Burton, quand il est passé devant moi, je me souviens avoir tout simplement retrouvé mon enfance. Genre, c'était... Voilà, je voulais juste en fait partager ce moment. Sinon aussi, je vais pas faire le français à l'heure, mais Mars Attacks... Personne n'a compris que les Martiens, c'était une parodie des enfants qui font ce qu'ils veulent comme ils veulent et qui deviennent méchants sans raison. Burton n'est pas fini. Je pense pas. Il peut très bien revenir à quelque chose de beaucoup plus personnel et beaucoup plus percutant. Même si, effectivement, depuis quelques temps encore, en termes de fan, je suis plus que sur la réserve. Bonne journée à vous et ne marchons pas seuls. To be or not to be, not to be. J'ai rien contre la playlist France Inter, vraiment, vraiment. J'adore Thierry Dupin, Djoubaka, Muriel Pérez, les programmateurs musicaux. C'est juste que, voilà, en soirée, avec des potes, on met rarement du Juliette Armanet ou du Eddy de Préto pour s'ambiancer. Moi, il y a des chanteurs, je vais être franc avec vous, que j'ai découvert que depuis que je bosse ici. Il a fallu que je travaille à France Inter pour découvrir qu'il y avait des chanteurs avec des noms de goûter. Bertrand Belin, Petit Biscuit, Miel de Montagne. Il y a un groupe qui s'appelle vraiment Miel de Montagne. Quand je vois défiler la playlist Inter sur mon iPod, j'ai l'impression de voir ma liste de courses au Naturalia. Dominique A, aujourd'hui j'adore, parce que ma femme écoute que lui, et syndrome de Stockholm oblige, j'ai fini par m'habituer. Mais sinon, avant, je vais être honnête, je connaissais absolument pas. D'ailleurs, c'est rare les chanteurs ou les chansons que tout le monde connaît. Les chansons qui puissent plaire à papy, à tati, aux enfants et aux ados. Moi, je suis de la génération Louise Attaque. À un mariage, tu lances « Allez, viens, je t'emmène au vent ». Tout le monde se lève pour danser. Mais c'est pas encore le consensus total. Mamie, elle peut encore trouver ça un chouïa bruyant. Noir Désir, bon bah depuis quelques années, c'est foutu. La Compagnie Créole, c'est moi qui suis contre. Claude François, ça se danse pas sobre. Non, non. Quoi qu'on en pense, il y a un seul chanteur qui transcende les générations. Un seul artiste dont on connaît toutes les chansons, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Et cet artiste, ça tombe bien parce qu'on en parle aujourd'hui dans Blockbuster, il s'appelle Jean-Jacques Goldman. France Inter, Blockbuster, juste ici ça va. Frédéric Siglist. À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été. Malentendu au mensonge, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osées. Oh, oh, oh, à nos actes manqués. Jean-Jacques Goldman, le monument de la variété française. Pendant longtemps, l'horizon indépassable de la chanson française, celui à côté duquel on ne pouvait pas passer, c'était Johnny. Pourtant, aussi fort soit l'aura du regretté rocker, Jean-Jacques Goldman, de par ses tubes, ses compositions, ses textes écrits et chantés par d'autres, sa discrétion devenue légendaire, reste, classement après classement, une des personnalités préférées des Français. Pour évoquer celui qui se définit lui-même comme un soundmaker, j'ai à mes côtés Alexandre Fievé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat, grand fan de Jean-Jacques Goldman et auteur de deux livres sur lui, Jean-Jacques Goldman sur ses traces, paru en 2016 aux éditions Grund, et Frédéric Goldman & Jones de l'intérieur, paru en 2018 aux éditions Grund également. Exactement. Également avec nous, Véronique Docamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste de presse écrite et réalisatrice du documentaire Jean-Jacques Goldman, de Coluche à Céline Dion, qui est paru en 2017, c'est ça ? Exactement. Et enfin, Alain Stévez, chanteur et guitariste du groupe Goldman, un groupe qui ne fait que des reprises de Jean-Jacques Goldman. Bonjour. Bonjour. Alors ensemble, on reviendra sur les temps forts de la carrière de Jean-Jacques Goldman, sa musique, les paroles, son style. J'espère que vous allez pouvoir chanter chez vous. La période Frédéric Goldman & Jones, son engagement caritatif, la génération Goldman. On essaiera de comprendre comment et pourquoi le public français lui est resté fidèle si longtemps après la sortie de son dernier album. Allez, vous ne rêvez pas, vous êtes sur France Inter et on parle de Jean-Jacques Goldman. On connaît tous les chansons de Jean-Jacques Goldman, mais connaît-on Jean-Jacques Goldman ? Alexandre Fievé, qui est Jean-Jacques Goldman ? Parce qu'en fait, c'est une question qui revient assez souvent, il a cette aura de mystère autour de lui, d'où il vient ? D'où il vient, c'est d'abord un songmaker, c'est ce que vous disiez en début d'émission, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'ambition de devenir chanteur, d'être sur le devant de la scène. Et lui, ce qui lui plaisait, c'était vraiment écrire et composer pour les autres. Et il aspirait qu'à ça. Il est devenu un peu chanteur par hasard. Et il a eu quel genre d'enfance déjà, où il a grandi ? Ah, il a grandi à Montrouge, en banlieue parisienne. Et puis très tôt, il a commencé la musique parce que ses parents voulaient que les enfants fassent de la musique. C'était pour eux un vecteur d'intégration. Donc il a commencé le violon très tôt, tout en pianotant toujours un peu. Et puis... Vraiment, à l'âge de 14-15 ans, il a compris que la musique, ça allait devenir une grande partie de sa vie. Et c'était une famille d'ouvriers, famille riche ? Non, c'était pas une famille très riche, moyenne bourgeoisie, on dira. Son papa était un juif polonais et sa maman une juive allemande qui sont arrivés pendant la guerre en France et ils ont essayé de s'intégrer comme ils pouvaient et faire en sorte que les enfants puissent s'intégrer du mieux possible. Et alors, j'ai lu dans la biographie qui lui est consacrée qu'il a commencé par le scoutisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément, Véronique Decamp, dans le parcours de Goldman. C'est-à-dire qu'il s'est formé au scoutisme et il a même découvert le chant via la chorale. Oui, absolument. D'ailleurs, il dit que c'était vraiment quelque chose de fondateur pour lui, dont il garde encore, il a gardé toute sa vie les valeurs. Le partage, l'entraide. Et effectivement, c'est là aussi qu'il a découvert le plaisir de chanter ensemble qui, finalement, il a reproduit dans plein d'étapes de sa vie. D'abord avec Frédéric Goldman & Jones. Il a fait des duos, il a fait cette chorale dans laquelle il a participé. Enfin, il y a une chorale qui lui a été consacrée avec 1000 choristes, d'où est née la chanson Ensemble, qui est aussi une référence à ces années-là. Et Alain Stévez, vous avez découvert Jean-Jacques Goldman à quelle époque ? Parce que désormais, vous lui consacrez beaucoup de temps avec votre groupe, mais à quel moment il y a eu une sorte de coup de foudre avec le style Goldman ? Ben, dès le début, en fait, dès ses premiers albums, avec une bande de potes, on les achetait directement. On achetait les cassettes, les vinyles à l'époque. Ah, les cassettes. Et puis, on a tout de suite été. J'ai été musicien assez rapidement. À 14 ans, j'avais une guitare. Et en plus, ça m'a permis d'essayer de jouer ses chansons, etc. En fait, c'était vraiment. Je pense que j'ai vraiment grandi avec lui depuis le début de sa carrière. Parce que c'est quelque chose de marquant avec Jean-Jacques Goldman, c'est qu'on apprend certaines de ses chansons à l'école, en cours de musique. Les musiciens qui s'essaient à la guitare ou même au piano se testent sur les chansons de Goldman. C'est un patrimoine incroyable dans la musique française. C'est surtout qu'il a beaucoup de styles. C'est de la pop, c'est du rock, c'est de la variété, c'est du slow, c'est beaucoup, beaucoup de styles différents. Et oui, on peut s'essayer à travailler ses chansons et ainsi à naviguer entre différents styles et pouvoir progresser facilement grâce à lui. Oui. Et Alexandre Fivet, à quelle époque il découvre le rock et Bob Dylan ? Ouais, très tôt, à 14 ans, 15 ans, je crois qu'il achète sa guitare, il doit être en seconde. Et c'est lié tout ça, c'est lié à Bob Dylan. Il va voir Bob Dylan en 67, je crois, à l'Olympia. Et là, il commence à rentrer vraiment dans une phase très guitare. Et puis, il va continuer vraiment avec la guitare. Et effectivement, il le dit lui-même, toute son inspiration est née de la musique des années 70. De Bob Dylan, Deep Purple, Doobie Brothers, etc. Et finalement, il le dit qu'il n'a fait que franciser, finalement, la musique des années 70. Et à cette époque, il chante encore en anglais. Il a longtemps chanté en anglais, en fait. Effectivement, la période Typhoon des années 70, il chante en anglais. Et dans son esprit, c'est difficile de chanter en français. Jusqu'au jour où il va assister à un concert de Léo Ferré. Et il va comprendre que c'est possible de chanter en français sans que ce soit forcément très niais, quoi. D'autant qu'en plus, il avait quelques lacunes scolaires vis-à-vis du français. Et c'est Léo Ferré qui lui fait découvrir la beauté de la langue française et la possibilité de la faire sonner musicalement. Ouais, non, mais c'est surtout ça, parce que je pense pas qu'il avait des lacunes scolaires. Hein. C'était un très bon étudiant. Il a quand même fait prépa HEC et l'EDEC. Donc non, il a oui, pas de... Oui, mais c'est ce que j'appelle avoir un piètre au niveau scolaire, c'est pour ça. ayant moi-même fait beaucoup, beaucoup d'études supérieures, je suis bien placé pour prendre. Mais là où vous avez raison, effectivement, c'est que c'est avec Léo Ferré et Michel Berger, qu'il a compris qu'effectivement, les mots français pouvaient aussi sonner comme les mots anglais. Et alors, la période du premier album, ça remonte à quand ? Le premier album, il date de 1981, et il se fait connaître justement avec cette chanson « Il suffira d'un signe ». Qui va lui permettre de rentrer dans le cœur des Français. Et alors, il y a une anecdote assez cocasse, c'est qu'il voulait appeler son premier album « Démodé ». Ouais. C'est pas très inspiré, ça. C'est inspiré, mais c'est pas très marketing. Et du coup, il n'y a pas de titre, mais le titre « Démodé » finalement est resté, donc on l'appelle « Démodé », mais officiellement, il n'a pas de titre, tout comme le deuxième album qui devait s'appeler « Minoritaire ». Et la maison de disques a dit non, c'est pas possible. On va continuer de parler de Jean-Jacques Goldman dans un instant, mais pour le moment, on va l'écouter chanter. Cette émission est réalisée, comme toujours, par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot et Aurore Mancip ont préparé cette émission, et à la technique aujourd'hui, Rémi Sistiaga et Philippe Duclos. Trop court quand je suis trop tard. Ne me remerciez pas, vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. C'était Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman dans Blockbuster sur France Inter. J'aurais ma chance, j'aurais mes droits. Et la fierté qu'ici je n'ai pas. Ce que tu méritais est à toi. Si les autres imposent leur loi, je te perdrai peut-être là-bas. Je me perds si je reste là. La vie ne m'a pas laissé le choix. Toi et moi ce sera la paix. Véronique Decan, est-ce que dès qu'il est apparu, ça a été un succès ? Est-ce que ça a vraiment pris tout de suite avec le public français ou il a fallu un petit temps d'adaptation ? Alors ça dépend de quelle période vous parlez, parce que quand il a commencé donc en étant chanteur de Typhon, quand il a découvert... C'était le nom de son groupe. Voilà, le nom d'un groupe dans lequel il était chanteur. Et quand il a effectivement découvert qu'on pouvait faire des chansons françaises qui avaient du sens, il a eu envie de partir du groupe et de faire des disques en solo. Et il a fait 3 45 tours qui n'ont absolument pas marché. Donc, c'est ce que disait mon voisin d'à côté. Alexandre Voilà, Alexandre, c'est que, en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était d'écrire des chansons. Son éditeur de l'époque a essayé désespérément de les faire chanter par d'autres artistes. Et comme personne n'en voulait, il a été signé dans une maison de disques. Il a chanté un peu par obligation, on va dire. C'est-à-dire qu'initialement, voilà, lui, il voulait vraiment être auteur-compositeur, pas chanteur. Et donc, il s'est retrouvé sur le devant de la scène un peu contraint, forcé. Absolument. Lui, il travaillait dans le magasin de sport de ses parents avec son frère. Et ça lui convenait très bien. Il faisait ses chansons dans sa cave le soir. Il y a d'ailleurs une auditrice de Blockbuster qui m'a envoyé un petit message ce matin en me disant « J'ai rencontré Jean-Jacques Goldman, il était à genoux devant moi et il me faisait essayer des chaussures. » Oui, parce que une fois que son premier album est sorti, où effectivement le premier titre a cartonné, celui d'après pas du tout, mais le premier titre a cartonné, et je crois même à la fin du deuxième album, il continuait pendant tout ce temps-là à travailler dans son magasin de chaussures, et il a arrêté parce qu'il y avait plus de gens qui venaient pour le regarder que pour acheter des chaussures. C'est bien, c'est bien. Remarque, c'est à ce moment-là que la légende de Jean-Jacques Goldman a dû commencer à se construire. Parce que le chanteur à succès qui fait essayer, je vous les ramène en 44, c'est, voilà. C'est quand même intéressant. Et alors on voit, le deuxième album, c'est pareil, qui n'a pas de titre non plus, Alexandre Fivier, je crois. Non, il a pas de... Lui, il voulait que le titre soit minoritaire, qui est le titre aussi d'une des chansons de l'album. Et la maison de disques a dit, non, ça c'est pas possible, d'un point de vue marketing, c'est pas jouable. D'accord. Et donc pour le troisième, il y en a enfin un, c'est positif. Ouais, parce que là, c'est un peu plus positif, justement. Et alors, quel grand titre s'est fait connaître sur cet album Sur l'album positif, Oh, il y en a trois. Il y a Encore un matin, Vole-moi et puis Américain, qui sont les trois gros singles de l'album. C'est plus d'un million d'exemplaires vendus pour tous ces titres. Positif ? Oui. Ah, pour tous ces albums, oui. C'est aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'un million, oui, par oui, album. Oui, j'ai lu que pour la totalité de ces albums, on était autour de 30 millions d'exemplaires vendus. 28 millions, entre 28 et 30, on va pas chipoter. Je vous mets tout, allez. Donc c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Hein. C'est l'un des artistes français qui a vendu le plus, sans compter ce qu'il a écrit pour les autres. Oui, et pour quelqu'un qui en plus qui ne voulait pas chanter. Et pour quelqu'un qui ne voulait pas chanter. Et alors, il y a cette rencontre avec Michael Jones, qu'il a remplacé dans le groupe Typhon quand il en est parti. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette rencontre? Parce que c'est déterminant pour ce qui va arriver ensuite. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le groupe Typhon, après le succès de Sister Jane, parce qu'ils ont fait quand même un succès, le groupe a souhaité partir en tournée, et Jean-Jacques Goldman ne souhaitait pas partir en tournée, parce qu'encore une fois, il devait s'occuper de sa famille et de son magasin de sport. Et donc il quitte le groupe et il fallait le remplacer, il fallait trouver un guitariste et le groupe Typhon a trouvé Michael Jones. Et Jean-Jacques Goldman revient pour l'enregistrement du troisième album et c'est comme ça qu'il fait la rencontre de Michael Jones qui est resté dans le groupe pour l'enregistrement du troisième disque. Et là c'est un coup de foudre artistique et amical entre les deux hommes et ils vont plus jamais se quitter. Et la dernière du trio, Carole Fredericks, la rencontre arrive un peu plus tard. Plus tard, oui, en 85, sur la deuxième tournée de Jean-Jacques Goldman, ils ont besoin de quelqu'un pour faire du gospel sur scène. Et là, tous les musiciens de Jean-Jacques Goldman lui disent, il y en a une qui fait ça très bien à Paris, c'est Carole Fredericks. Et il la rencontre, elle fait toute la tournée avec, et puis après, des liens vont se créer entre eux. Et lorsque Jean-Jacques Goldman va composer son sixième album, il se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule voix dans les chansons, mais deux, voire trois. Et il propose à Michael et à Carole de former un trio. Et en fait, dans cette amitié qui se crée autour de la musique, on sent toujours l'envie de Jean-Jacques Goldman de partager, de ne pas être forcément tout seul face au succès. Et il y a vraiment cette envie aussi de se recréer une famille artistique. C'est un chanteur de groupe à la base, hein. Il a toujours travaillé à plusieurs. Donc c'est vrai qu'il a toujours aimé ce mélange des voix, le partage. Et puis après, c'est aussi sa personnalité. Et encore une fois, on revient à cette notion de songmaker. Lui, il n'a jamais rêvé de notoriété, il n'a jamais rêvé d'être sur le devant de la scène. Et c'est vrai que de partager la vedette aussi, probablement, lui faisait du bien. Alors Chloé Brassière, qui est fan ultime de Jean-Jacques Goldman, est allée avec Prudence Castelot et Aurore Mansy forcer les gens à dire du bien de Jean-Jacques Goldman. Bon, il n'y a pas fallu les forcer beaucoup. On écoute. Ça m'évoque une chorale Jean-Jacques Goldman que j'ai fait en cinquième. Mon enfance. Alors Jean-Jacques Goldman, pour moi, c'est presque un tabou familial. Dès qu'on le mot Goldman ressortait d'une bribe de discussion écoutée dans la rue, on entendait Jean-Jacques Goldman, Berk. J'adore les mélodies, les paroles des chansons. Bah, Goldman, c'est culte, hein, c'est devenu culte. Ouais, moi, c'est un souvenir d'enfance, d'ado. Quoi. C'est une période de vie. Années 80. Moi, ma culture chanson s'est arrêtée bien avant. Brel, Brassens, etc. C'est un peu comme Johnny, ça fait partie des artistes qui ont à la fois marqué une génération puis qui sont transgénérationnels. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont, ils plaisent un peu à tout le monde. Quoi. Moi, j'écoute pas. Mes enfants font de la musique, donc ils ont toujours joué du Goldman depuis qu'ils sont tout petits. Mon fils est pianiste et il a joué énormément de Goldman. Et j'adore Goldman. J'adore aussi ses chansons, son énergie aussi. Et son personnage. Il me semble un peu assez mystérieux comme personnage. Et puis après, moi, je le connais aussi via Céline Dion. Ah oui, parce que quand même, j'ai écouté Céline Dion. L'aveu, terrible. Il y a des trucs qui me plaisent pas du tout. Frédéric Goldman-Jones, je trouve ça larmoyant, ça me plaît pas. Et d'autres, oui. Moi, je les ai toutes écoutées. Je sais pas, là, j'ai pas une idée spéciale. Je te donne. Voilà, c'est celle-là qui me vient. Puisque tu pars, je trouve que c'est une très belle chanson, très émouvante. Sinon, il y a Là-bas, La vie par procuration. C'est pas vraiment mon genre de musique. Les démons de minuit, c'est de lui ou pas? Ah, en fait, le gros problème, c'est que je connais rien de Jean-Jacques Goldman. Chanteur culte pour, on va dire, nos parents ou nos arrière-grands-parents. Pour moi, c'est des chansons bonne humeur. Je vois pas pourquoi ils ont été chercher ce mec-là, mais enfin bon. C'est quelqu'un de sympathique, c'est pas quelqu'un de polémique, il est pas clivant, comme on dit. En plus d'être un super chanteur, c'est quelqu'un d'engagé, et ça, c'est toujours bien de le remarquer. En plus, il participe beaucoup au groupe des Enfoirés. Vous savez, quand il rend l'hommage à Coluche. Mais ces derniers temps, je pensais à lui, justement. Tiens Jean-Jacques, comment il va? Il n'y a pas si longtemps encore, j'ai écouté en boucle, c'était Je marche seul, très rythmé, tu mets ça le matin, ça te réveille. Alors je rappelle que durant tout cet été, via notre répondeur, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, je répète le 01 56 40 30 20, sur le sujet du jour, c'est-à-dire Jean-Jacques Goldman. Alors on l'a entendu dans le micro-trottoir, tout le monde a une chanson de Jean-Jacques Goldman de référence, on voit qu'il y a des gens qui adorent, d'autres qui trouvent ça complètement niais. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'à l'époque, il y a eu énormément de polémiques, notamment venant de la presse de gauche, qui trouvait que Jean-Jacques Goldman était un chanteur un chanteur à minette, des bleuettes, sirupeuses, etc. Comment on explique l'inimitié qu'il a suscité chez certains journalistes? Je sais. Allez-y. Mais à l'époque, moi, je travaillais dans un journal de jeunes, ce qu'on appelait journal de jeunes, et nous étions les seuls à qui Jean-Jacques accordait des interviews. Parce qu'il partait du principe que c'était léger, que voilà, et il a refusé assez vite de donner des interviews à la presse adulte, on va dire. Et donc, évidemment, ça lui a créé des inimitiés parmi ces journalistes qui étaient très agacés de voir ce nouveau chanteur qui réussissait tout. Par exemple, il a rempli 18 soirs le Zénith sans avoir besoin de faire une campagne publicitaire parce que c'était complet d'avance. Et ça lui a valu un papier dans un journal qui n'existe plus aujourd'hui qui était titré « Jean-Jacques Goldman est vraiment nul ». En énorme. Voilà, c'était un peu des revanches de journalistes. Et Véronique de Camp, pourquoi initialement il n'a pas voulu jouer le jeu de cette presse? Est-ce qu'il sentait quelque chose d'un peu faux ou... Non, c'est pas ça. Il l'a joué au début, mais il ne s'est pas reconnu dans les papiers qu'on faisait sur lui, dans les propos qu'on lui portait. Il s'est senti probablement trahi par certains. Et donc, son principe était de se dire, si on lit quelque chose dans la presse jeune, on a l'impression que c'est léger, ça ne prête pas à conséquence, c'est pas forcément vrai. Alors que si on lit quelque chose dans François Le Figaro de l'époque, on va prendre ça pour argent comptant. Et alors que finalement, les gens qui écrivent dans ces journaux-là ne sont pas spécialisés forcément musique et voilà, véhiculent des choses qui sont fausses sur lui. Il avait plus envie de ça. Et Alain Stévez, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous interprétez Goldman sur scène, est-ce que vous sentez encore le même type d'appréhension suivant les endroits où vous proposez vos services? En fait, avec les Goldman, on a cette chance de vivre ce que lui aurait dû continuer à vivre, avec peut-être moins de public que lui, évidemment. Comme vous disiez, il remplit des zéniths sans même de la promo. Mais on se rend compte que les gens sont vraiment en manque de Jean-Jacques et de ce qui se passait sur scène à l'époque. C'est ce que Michael Jones qui nous dit aussi, il a l'impression de revivre un peu ces années-là, ces années festives sur scène. Où, en fait, c'est une fête sur scène, Jean-Jacques Goldman. Et le manque de Jean-Jacques sur scène, c'est le manque de cette fête, de cet échange avec le public. Et je pense que c'est ça que les gens viennent chercher dans nos concerts. Voilà. Donc il y a vraiment une dimension, bah, pour le coup, mais dans le sens noble du terme, populaire. Mais oui. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans des karaokés, dans des mariages, c'est que Goldman, assez rapidement, met tout le monde d'accord. On est d'accord. Tous les refrains sont chantés. On a 2 heures de programme, tous les refrains sont chantés, et parfois même les chansons complètes. Et c'est vraiment très très populaire, mais faussement simple en même temps. C'est-à-dire que musicalement, c'est quand même assez pointu. Oui. C'est vraiment quelqu'un qui sait rendre les choses compliquées, écoutables par le lambda, en fait. Voilà. Et Alexandre Fievé, même au niveau des paroles, il y a des textes qui disent des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus sombres que ce qu'on pourrait imaginer quand on écoute rapidement comme ça d'une oreille distraite. Oui, il a toujours travaillé sur les textes, il a toujours donné une importance aux textes. Et pour répondre et pour rebondir sur ce que disait Alain, effectivement, ce que recherche Jean-Jacques Goldman dans la chanson et dans la musique, c'est l'émotion. Cette émotion qui va faire que le public lambda va aimer assez rapidement la chanson. Et il explique que c'est vraiment la clé du succès de la chanson. Mais par contre, c'est le texte qui va assurer au chanteur la fidélité du public. Parce que le chanteur ne va pas se sentir trahi après une deuxième ou une troisième écoute en se disant « tiens, j'ai pris du plaisir indignement ». Et justement, donc le texte permet justement au chanteur de créer ce lien avec le public. Donc si on ajoute un texte pas trop débile et une chanson à forte émotion, ben on arrive à des succès, voire même à des tubes. Et bien à propos de tubes, on va en écouter un. On écoute « Pas toi » de Jean-Jacques Goldman. Sion, passe ma chance, tourne les vents, reste l'absence, obstinément. Jean-Jacques Goldman qui interprétait Pas toi dans Blockbuster sur France Inter. Nous sommes toujours ensemble pour parler de Jean-Jacques Goldman. Alors, vous me disiez pendant la chanson Patois que Jean-Jacques Goldman parlait de lui, mais qui se distillait comme ça, de manière assez discrète, décidément c'est sa marque de fabrique, dans ses chansons, et que celle-ci était véritablement intime, mais on ne savait pas précisément de quoi il parlait, Alexandre Fievé. Oui, oui, c'est ça, c'est qu'il a reconnu qu'effectivement c'est une chanson très, très personnelle, cette chanson Patois. Mais il n'a jamais indiqué au grand public de qui il parlait véritablement dans cette chanson. Contrairement à d'autres chansons, comme une chanson comme « Tu manques », qui est aussi extrêmement intime. Et là, on sait qu'a priori, il parlait de son père qui venait de décéder quelques mois plus tôt. Et vous parliez tous les trois également de la chanson « Confidentielle » qui s'est retrouvée tragiquement, mais destinée à Daniel Balavoine. Oui, c'était moi j'avais l'impression qu'il avait vraiment écrite pour Daniel, mais en fait Alexandre me dit que c'était une chanson qui était déjà dans les tiroirs. Mais c'est vrai qu'elle s'est prêtée évidemment ce jour-là. Il est passé chez Drucker donc et il l'a interprétée puisqu'elle se prêtait vraiment à sa disparition. Et puisqu'on en est à la genèse des chansons marquées par le sceau de la tragédie, il y a également la chanson Là-bas que tout le monde connaît avec cette chanteuse incroyable qui est disparue de manière terrible. Si vous pouvez en parler, parce que moi c'est une anecdote que j'ai appris beaucoup plus tard. Je connaissais la chanson, mais... En fait c'était une jeune artiste qui chantait dans le métro, qui a été repérée par quelqu'un de l'entourage de Jean-Jacques, c'est comme ça qu'il l'a connue. Et donc ils ont fait ce titre Là-bas qui a extrêmement bien marché. Et jaloux de son succès, le compagnon de cette jeune femme, de Sirima, l'a assassinée. Et Jean-Jacques a été extrêmement choqué, perturbé, c'est peut-être pas le bon mot, mais bouleversé. Et depuis, aussi un peu il ne la chante plus, enfin, ou c'est le public qui chante la partition de Sirima, c'est ça ? Exactement. Depuis, enfin, il laissait le public, voilà, jusqu'au dernier concert, il laissait le public chanter la partition de Sirema. Et alors, on a parlé de son succès à lui en solo, en groupe avec Frédéric Goldman & Jones, mais il y a effectivement toutes ces collaborations où on pourrait se dire, bah, a priori, si ça marche pour toi, ça ne va pas forcément marcher pour les autres, mais non. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a aidé quand même d'autres chanteurs, ah, vous devinez, il y a peut-être des exceptions, mais ça a quand même assez souvent bien marché, non ? Disons que quand ça a marché, ça a vraiment bien marché. Ouais. Donc, citons quelques collaborations. Céline Dion, pour que tu m'aimes encore, l'album francophone le plus vendu au monde. Ouais, ce qu'il a fait pour Johnny Hallyday aussi a très très bien marché. Ce qu'il a fait aussi pour Raled, avec la chanson Aïcha, qui est quand même un énorme tube. Si tu veux m'essayer, Florent Pagny. Florent Pagny, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu des collaborations qui ont moins bien fonctionné. Je pense notamment à Marc Lavoine, des artistes où c'est resté un petit peu plus confidentiel. Mais c'est vrai que ses succès ont été tels, et les tubes Aïcha ou Pour que tu m'aimes encore sont tellement devenus énormes que finalement on pense surtout à ces collaborations-là. Mais voilà, tout n'a pas été un énorme succès. Est-ce que c'est un compositeur et un auteur qui arrive à s'oublier et je dirais à s'inscrire dans le style du chanteur pour lequel il écrit, ou est-ce que sa personnalité reste très forte et on pourrait se dire cette chanson il pourrait l'interpréter sur scène tout seul, ça fonctionnerait quand même? Alors, je sais qu'en ce qui concerne Céline Dion ou Johnny par exemple, ce qui l'a séduit dans ces projets-là, ce sont les voix. Il avait envie d'écrire pour des voix comme ça qui étaient éloignées de la sienne. Et en ce qui concerne Céline Dion, c'est la première et peut-être la seule fois où il s'est proposé pour écrire des chansons pour quelqu'un. Et avant de proposer des chansons à Céline et René, il a lu absolument tout ce qui existait sur Céline, il a regardé tout ce qu'il pouvait regarder comme émissions de télévision, documentaires, etc., pour pouvoir précisément s'imprégner totalement de son univers à elle et lui écrire quelque chose de totalement sur mesure que lui n'aurait pas pu interpréter. Après, musicalement, il y a la patte Goldman qu'on reconnaît quand même assez fréquemment. Mais dans les textes, hein, il a écrit des choses qu'il n'aurait jamais chantées lui-même. Et c'est quand il a commencé à écrire pour d'autres artistes, est-ce que c'était déjà les premiers pas vers une forme de... Je vais pas appeler ça la retraite, parce que c'est un mot un peu lourd, mais est-ce qu'il y avait déjà une forme de mise à distance avec la scène, le public, et l'envie de rechercher autre chose? Mais il y a deux choses, je pense, parce que... Alexandre Pilet. Ouais, faut pas oublier une chose, c'est que, encore une fois, c'est vraiment un songmaker. Et dans les années 70, il arrivait pas à être songmaker dans le sens où, les directeurs artistiques voulaient pas de ses chansons. Il avait notamment écrit Je te promets pour Gérard Lenormand, L'envie pour Sardou, et Plus fort pour Johnny Hallyday. Mais personne n'en voulait. Et puis, fin des années 80, début des années 90, il a la notoriété. Et comme le premier album pour Johnny Hallyday a parfaitement fonctionné, les gens ont compris qu'il savait écrire aussi pour les autres. Donc à partir de là, il a fait ce qu'il aimait vraiment, c'est-à-dire écrire et composer pour les autres. Après, c'est vrai qu'à la fin des années 80, il reconnaît qu'il commençait à tourner en rond. C'est-à-dire qu'il commençait à se répéter tant sur le plan musical qu'au niveau des thèmes, des textes. Et c'est vrai que le fait d'écrire pour les autres, comme le fait d'écrire pour le trio, lui a permis de se renouveler et de se remotiver en abordant des choses que lui n'aurait pas pu aborder pour son propre compte. Alors, depuis le début de cette émission, on dit énormément de bien de Jean-Jacques Goldman, mais revenons dans le royaume du réalisme et du cynisme contemporain. Goldman, il y a aussi des gens qui n'aiment pas. C'est notre séquence « J'aime pas ». J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. MC Solar et Jean-Jacques Goldman dans la même vidéo. Jean-Jacques, les années 90 sont mes billages parce que ce que j'écris a tellement la classe que je suis juste derrière l'album francophone le plus vendu du monde, Goldman. Encore un matin, changer la vie. C'est pour ça que j'irai là-bas. Et MC, quand tu m'écoutes rapper, tu redécouvres les mots de ta propre langue maternelle parce que je suis le rappeur qui a le vocabulaire le plus varié du game, Solar. Hasta la vista, générique final. Tu n'es pas du racé, le KOS au VO, la BO en VO d'un fléau, dégâts collatéraux. Et ça donne ça. Je rêve où tu es en train de fumer. On est foutu. Avec en plus la grande honte du siècle. Qui ça? Les restaurants du cœur, là. Ah oui. Comment ils s'appellent? Les enfoirés. Avec le parrain qui est en bout, là, celui dont on ne connaît ni l'adresse, ni l'emploi du temps. Il était le ciment des enfoirés. Jean-Jacques Goldman, il a une image nickel. C'est le français préféré depuis 30 ans. On enlève Jean-Jacques Goldman, L'image est entièrement floutée, tout le monde dit ils sont là pour leur promo, tout ça, etc. Il arrive à apaiser tout le monde. Il n'aurait jamais dû partir. Il gagne des millions grâce à la SACEM chaque année. Il peut se déplacer une fois pour aller nourrir les pauvres, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez. Mais le temps que ça met à faire les enfoirés, le temps que ça prend. Mais il a plus rien à faire, il gagne de l'argent, revenu passif, il fait plus rien. J'aime pas. J'adore mon pays. Vraiment, vraiment, il y a que dans ce pays qu'on peut avoir des réactions comme ça. Donc on voit qu'effectivement, tout le monde a un avis sur Jean-Jacques Goldman, même quand il ne dit rien et même quand il ne fait plus rien. C'est un truc de fou. Parce qu'en plus, ce dont on n'a pas encore parlé et que j'aimerais aborder avec vous, c'est que on a remis une pièce dans la machine avec la génération Goldman. Si vous pouviez présenter un petit peu ce qu'est la génération Goldman, tous ces jeunes artistes qui ont repris les chansons de Goldman pour les faire connaître aux générations futures. Ouais, génération Goldman, c'est tous les artistes des nouvelles générations qui ont repris des tubes de Jean-Jacques, revus et corrigés, donc un peu modernisés. Et donc on peut dire mal des fois. Hein. On peut dire mal corrigé et mal revu aussi des fois. Non, alors c'est ce qui est étonnant, c'est que ça plaît pas forcément. Moi, j'ai pas mal de feedback après les concerts, etc. Et puis, mais heureusement, grâce à ça, on a les nouvelles générations qui viennent nous écouter aussi. Bon, qui croit qu'on chante du Matt Pokora, forcément. Oh, triste monde tragique. Et puis, un peu grâce à Génération Goldman, donc on a les enfants, mais les adultes sont plus réticents aux nouveaux arrangements et sont moins. Ils préfèrent les originaux, en fait. Pourtant, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que ces deux albums de Génération Goldman sont à l'initiative de Michael, le fils de Jean-Jacques. D'accord, donc ça a été supervisé quand même par un membre de la famille Goldman. Absolument. Alexandre Fievé, un avis sur cette génération Goldman qui continue de faire perdurer le mythe de Jean-Jacques? Non, je n'ai pas forcément d'avis. Ce que je sais, si je dois parler par rapport à ce que pourrait éventuellement penser Jean-Jacques Goldman, ce genre de choses, parce qu'il s'est déjà exprimé sur ce genre de questions, c'est vrai que pour lui, une chanson a la vocation à exister au-delà de l'auteur-compositeur, au-delà du chanteur. Donc le fait qu'elle lui survive quelque part, je pense que lui considère que c'est pas une consécration, mais que c'est quelque chose de positif. Et alors, cet engagement caritatif, parce que je trouve qu'il est toujours extrêmement facile dans les médias de critiquer les enfoirés, de critiquer n'importe quelle démarche caritative. Personnellement, j'aurais tendance à dire que, est-ce que toi déjà tu fais ta part et ensuite tu pourras parler. Mais il s'est fait critiquer aussi pour ça, dans son engagement. Les enfoirés sont régulièrement remis sur le devant de la critique parce qu'on dit oui, c'est des artistes en mal de promo. Ça partait quand même d'un très très bon sentiment, le fait qu'ils prennent la relève de Coluche suite à sa disparition. Quand bien même, même si c'était une question de promo, le principal c'est quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses. Donc voilà. Moi, oui, puisqu'il faut. Oui. Pourquoi on en parle de tout ça? Ouais. C'est vrai que c'est curieux. Mais parce qu'on est en France. Ouais, c'est pour ça. Non, mais ce que disait aussi Jean-Jacques Goldman, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'effectivement, après la disparition de Coluche, les Restos du Cœur ont continué, mais ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on apporte de l'argent? Et l'idée d'un spectacle est née, il a réussi à réunir Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Véronique Sanson et d'autres. Et puis l'année d'après, il ne s'est plus rien passé. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et personne ne voulait s'en occuper sur le plan artistique. Et c'est lui qui a pris en main cette initiative. Donc effectivement, les critiques sont un peu faciles, mais lui, il s'en est jamais vanté, il ne s'est jamais affiché, mais il a été effectivement le directeur artistique de la troupe. Il a fait le job et pour en avoir discuté un peu en off avec lui, je sais que ça lui prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et je ne suis pas certain qu'effectivement, quel que soit notre niveau de rémunération, on accorde, même de manière proportionnée à notre niveau de rémunération, le temps que lui a consacré aux enfoirés. Et est-ce que on peut imaginer un retour possible, éventuel, à un moment donné sur scène ou non? Niet, basta, cosy, c'est fini. Moi, je dis que oui. Alors, tout le monde dit non, mais moi, je dis que oui. Il y a le groupe Goldman qui dit « si, ce serait bien qu'il revienne oui, ». Oui, mais avec bon, nous, mais alors. Vrai, je ne l'ai jamais vu sur scène, en plus. C'est vrai. Non, je dis que oui, parce qu'en fait, la musique, je vois autour de moi, même des potes qui ont fait de la musique alors qu'ils étaient ados, ça les démange tout le temps, même si après, à 50 balais, ils vont rejouer. Donc, tant qu'il est capable de jouer et de chanter, c'est pas impossible, en fait. On peut pas voir l'avenir. Donc, je pense que oui. En fait, on sait pourquoi il s'est arrêté, pourquoi il a pris un peu de recul. Non, il s'est pas arrêté, pardon. Pourquoi il a mis entre parenthèses sa carrière d'artiste? C'est parce qu'effectivement, il avait ce sentiment un peu de se répéter, et donc il a perdu un petit peu la flamme, l'excitation des débuts, parce qu'il avait l'impression, en tout cas, de tourner en rond. Et puis, il y a peut-être aussi ce qui s'est passé sur le plan personnel. Et donc, ce qu'il dit, c'est que voilà, j'ai plus l'excitation, j'ai plus l'envie de mes débuts. Donc, pour rejoindre ce que disait Alain, s'il retrouvait cette envie, ben, bien sûr qu'il pourrait revenir. Ah, donner l'envie d'avoir envie. Il y a un autre chanteur qui a chanté ça. Allez, dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur. Mais avant cela, on va écouter Jeanne Chéral avec L'An 40. D'où vient cette lumière au-dessus d'elle et ce pas de louve caressant? Ces anges qui roulent, facile, naturel. Y a-t-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste L'An 40. On dirait quelquefois qu'elle a des ailes, ou comme une audace l'insolente. Un avis nouveau, elle en deviendrait fatigante, ce n'est rien de plus que L'An 40. Elle est un peu cabri, un peu gazelle, et brûle d'amour du cœur au ventre. Cette eau qui bouillonne, où la puise-t-elle? Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle en avec le sourire en L'An 40. Quelques années, quelques séquelles, quand elle sera sur d'autres pentes, en pleine sagesse, du moins le croit-elle, pour accompagner la descente, elle se souviendra de L'An 40. C'était L'An 40 de Jeanne Chéral et tout de suite maintenant, on va jouer. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Nathalie au téléphone. Bonjour Nathalie. Bonjour Frédéric. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Vous nous appelez d'où? De Saint-Magne-de-Castillon. Oh là là, alors je suis extrêmement mauvais en géographie, ça se situe où? À côté de Saint-Émilion. Ah, il y a du vin? Il y a du vin? Ça parle. Ok, ça me parle, ça me parle, ça, voilà, exactement. Donc, quelle est la chanson de Jean-Jacques Goldman que vous préférez? La chanson préférée, s'il faut que je choisisse parce qu'il y en a beaucoup, c'est ta chance. C'est ta chance. Et vous l'avez découvert à quelle époque? Où j'étais adolescente, donc 13-14 ans, et voilà, et c'est une chanson qui m'a permis d'avancer. Bon, parfait. Bon, alors j'imagine que vous êtes prête pour le jeu. Je vous réexplique le principe. Alors vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites une erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, eh ben il n'y a pas de problème, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. D'accord. C'est bon? Allez, oui, c'est parti. C'est bon. Si je vous donne le nombre 29, ça correspond, réponse A, au nombre de titres que Jean-Jacques Goldman a écrit pour Patrick Fiori, réponse B, au nombre de titres que Jean-Jacques Goldman a écrit pour Céline Dion, ou réponse C, au nombre de titres que Jean-Jacques Goldman a écrit pour Johnny Hallyday. Je dirais pour Céline Dion. Vous diriez pour Céline Dion. Eh bien, c'est une bonne réponse. Vous avez vu comment je fais monter la pression comme ça? Vous avez douté à un moment donné. Non, c'est une bonne réponse. Jean-Jacques Goldman a écrit 29 titres pour Céline Dion. Il en a écrit 13 pour Patrick Fiori et 12 pour Johnny Hallyday. Question. D'accord, je savais même pas qu'il en avait écrit pour Patrick Fiori, en fait. Si, mais d'ailleurs, vous savez qui est Patrick Fiori? Oui. Au moins, ça, on est sûr. Question suivante. Jean-Jacques Goldman a composé le générique d'une émission de télévision bien connue, mais laquelle? Ah, je vous donne un indice. J'ai un petit doute avec Magic. Eh ben voilà. Taratata. Alors, exactement, c'est Taratata. Je suis contractuellement obligé de dire Taratata au moins une fois par semaine, même quand il n'est pas là. Voilà. Donc, il a composé le générique de Taratata. Là, ça se profile bien. Dernière question. Maintenant, on va vous diffuser un titre composé par Jean-Jacques Goldman. Hop, on l'écoute. Quand le temps se lasse. C'est extrêmement simple. Hein. Pour qui a-t-il écrit ce titre et quel en est le titre? Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir y répondre. D'uniformité. Quand de peine en méfiance. De l'âme. Alors, une réponse? Alors, c'est Patricia Cash. Et le titre? Le titre, Belle. Non, ça c'est dans Notre-Dame. C'est pas. Non, elle l'a dit. Non, c'est Il me dit que je suis belle. Allez, on l'accepte, on la valide. Voilà, interprété par Patricia Cass, titre composé sous le nom de Sam Brefsky. Bravo à vous! Vous avez gagné le livre de notre invité Alexandre Fievé, Jean-Jacques Goldman sur ses traces, paru aux éditions Grunt. Et ben voilà, merci d'avoir participé. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Voilà. Eh ben écoutez, je vais en profiter pour faire un petit tour de table et vous remercier d'avoir participé à cette émission. Alexandre Fievé, Véronique Decan, Alain Stévez. Voilà, si jamais vous aviez une chanson à conseiller rapidement comme ça aux auditeurs, laquelle? Laquelle vous a marqué le plus chez Jean-Jacques? Il suffira d'un signe. Il suffira d'un signe? Ah, très difficile. Nos mains, peut-être. Nos mains? Je marche seul. Je marche seul. Eh ben parfait, voilà, ça fait une bonne petite playlist. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Jean-Jacques Goldman, et nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter, hashtag blockbuster FI, ce qui vous permettra aussi de participer au jeu. On vous pose une petite question, si vous avez la réponse, vous êtes sélectionné pour participer au jeu. On se retrouvera demain pour parler du seul hérisson que les juilletistes et les aoustiens n'écraseront jamais sur la route des vacances. Je veux bien entendu parler de Sonic le hérisson. Il y a un terme anglais que je trouve magnifique, c'est songmaker, qui n'existe pas chez nous, faiseur de chansons, mais c'est tout à fait ça, je me sens tout à fait un songmaker. Après le journal, on vous retrouve Dorothée Barba pour le débat de midi. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on met du vieux pain sur le balcon pour attirer les moineaux, les pigeons et pour leur tirer dessus. On parle de chasse aujourd'hui dans le débat de midi. La cruauté. Les chasseurs sont largement soutenus par les pouvoirs publics. Faut-il modifier les règles en la matière? Les chasseurs sont-ils les premiers écolos de France, comme ils le prétendent? On a le patron de la Fédération nationale des chasseurs qui vient répondre en direct à vos questions. Eh bien, on va en débattre. Oui, débat. Franceinter.fr, bien sûr, à la page du débat de midi. Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi. Souviens-toi, était semaine.